suis Lilas. Et voilà. Je vous en dirai plus tard. Je suis Jéroboam, je suis le maître des souvenirs, celui qui vous protège contre l'oubli. Je porte le deuil de mon enfant mort il y a de nombreuses années. Je suis Bestie. J'essaie d'apprendre à communiquer avec les Orlas, peut-être pour nous en protéger ou pas. Peut-être pour simplement les comprendre. Je suis le chasseur, celui qui vole les reliques aux Orlas et qui les ramène aux hommes. Je suis Spire. J'ai du mal à communiquer avec les humains, mais je communique avec l'entièreté du reste du monde avec mon langage. Je suis Ia et je me souviens de ceux qui m'aimaient, même si eux s'en souviennent pas. Tu veux bien claquer cette boutonne? Je suis Bâton. Et voilà. Voilà son personnage. Ne jetez pas les allumettes par terre. Le feu est le feu. Je suis Gotcha. Je nourris des moments mauvais et des émotions malveillantes et je les transforme en beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Je suis tisseuse. Personne n'a vu mes genoux ni mes hanches. Je suis pas là depuis très longtemps. Je suis Pierre, le mémographe. En route, nous avons encore du chemin. Une forme d'arbre. Chasseur, quelle est la chose qui t'apporte de la joie? Le sourire de ce que j'aime. Quelle est la dernière fois que tu as accompli un acte en accord avec tes valeurs? Lorsque j'ai coupé l'œil d'un Orla, l'an dernier. Qui aimes-tu plus que tout? Moi-même. Merci, chasseur. Bâton, est-ce que je peux t'interroger? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, bâton? Sentir la sève qui revient au printemps. Quelle est la dernière fois que tu as accompli un acte en accord avec tes valeurs? Je ne m'en souviens plus. Qui aimes-tu plus que tout? Le reste de la forêt. Merci, bâton. Je t'interrogeais. Oui. Quel est ton nom? Gotcha. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, Gotcha? L'amour. Quelle est la dernière fois que tu as accompli un acte en accord avec tes valeurs? Quand j'ai fait l'amour à un arbre. Qui aimes-tu plus que toi? Moi. Merci, Gotcha. Qui veut répondre à mes questions? Hein? Qui veut répondre à mes questions? On est en train de... Ah non, mais c'est non. De faire le rituel du printemps. Oui, pour que je puisse mourir. Bien. Avant... Ouais. Alors non. Je te propose de dire que ce qu'on aurait fait si on avait eu plus de temps. Et toi et moi? Ouais. Merde. Je vais dire quelque chose à ce moment, tu sais. Dernière lueur du jour, je vais disparaître de ce monde. Et je t'emmènerai avec moi. Et le thème, tu sais. Pouvoir. Et avec du... Avec du bruit. Fort bien. L'arbre t'écoute. Bravo! Merci. J'étais l'un d'entre nous. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Aider les gens. Et en ce moment, c'est compliqué. Quelle est la dernière fois où tu as agi en accord avec tes valeurs? J'ai essayé de redonner vie à Muette, mais encore une fois, quelque chose m'a échappé. pense que c'est la faute de l'un d'entre nous, mais je ne sais pas qui encore. Il a dû intervenir. Je ne sais ni quand, ni comment. Qui est-ce que tu aimes par-dessus tout ? Tichèze, bien sûr. Mais elle ne m'a pas choisi. Merci. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie ? Ma poupée. C'est quand la dernière fois où tu as fait quelque chose qui t'a fait plaisir ? J'ai tendu un piège. Piège ? Oui. À qui ? J'ai tendu un piège dans un chemin. J'ai mis un trou. Et en fait, il y a les autres... Les copains, ils me couraient après et il y en a un qui s'est pris le pied dedans, il s'est cassé la cheville. Ça fait plaisir. Arrête. Et la dernière question, c'est qui est-ce que tu aimes par-dessus tout ? Mon papa. Merci. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, Ara ? En fait, ça faisait longtemps que j'en avais plus depuis tomber ce soir-là, le câlin, et puis, voilà. Ça fait quand même 3-4 jours que je marche, et puis à un moment je faisais même plus gaffe, je me suis pris des ronces, j'avais vraiment mal quoi. Et puis à un moment il y avait de moins en moins de ronces, quelque chose m'a guidé ici je crois, et puis c'est une espèce d'endroit merveilleux. Je crois que je suis déjà venu, c'est possible, il y a longtemps. C'est vrai ? Je sais pas, sinon je sais pas comment j'aurais trouvé mon chemin. C'est le sergent, il m'a abandonné, Jacques m'avait dit de m'accuser à sa place, enfin voilà. Je croyais qu'ils m'abandonneraient pas, mais ils m'ont abandonné. La dernière fois où tu agis en accord avec tes valeurs. Enfin, quand j'ai écouté Jacques, j'ai eu bien tort. Qu'est-ce que tu aimes plus que tout ? Avant, on avait coutume de dire le Seigneur, mais en fait, je m'en fous un peu. Vous, maintenant. C'est vrai ? Ça a été vite, mais en même temps, les gens avant, ils étaient tellement horribles avec moi. Ils m'ont appelé le rat. Merci. Ok. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie ? Les gens que j'aime bien. Quelle est la dernière fois où tu agis en accord avec tes valeurs ? Tous les verres. Et vous commencez à nous dévorer. Celle-là fait un petit peu peur, je suis désolé. Je sais pas exactement quelles sont mes valeurs. Je crois que j'ai été quelqu'un d'horrible. Ouais. Ça arrive. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout ? Vous ? Tous ? Et toutes ? Merci. Il y a encore des poids, c'est le moment de les poser. Celle qui... La terre, fouille, recherche des glands, des fruits, des arbres pour s'en emparer, les dévorer. Dévorer par l'envie, la crainte. prenez le bois, vous laissez les rêves pour sur place. C'est pas juste. À une époque, vous saviez pas les souvenirs, vous savez pas.